crois qu'on a perdu bio son chemin. Oui. Mais il n'y a pas compris. Bah oui, on a fait ça pour toi, mon grand.